on peut jouer sur notre paysage urbain. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait d'approvisionner une ville entière. Si consommer local et arrêter d'aller dans un supermarché, ça peut, dans mon quartier, rendre une nouvelle vie à une boutique qui actuellement vend des téléphonies mobiles. Voilà, une épicerie peut remplacer aussi, au niveau du paysage urbain, au niveau de vie de quartier, ça peut changer des choses aussi. C'est des systèmes pour nourrir la ville qui obligent de repenser absolument toute l'organisation du territoire. Et ce n'est pas gagné, par exemple, pour tout ce qui est l'agriculture périurbaine, la coexistence avec les gens des villes, la place des animaux aussi dans ces milieux-là, parce qu'on parle beaucoup de la nature végétale, mais la nature animale, elle est très rarement prise en compte. On parle peu de tout cet écosystème, en fait, qui fait lien. C'est assez complexe et c'est vrai que ce mouvement de fond, il est quand même très marginal.